Je sais pas la jouer celle-là. Oh, I'm a bad player. C'est dur, hein. C'est dur la vie. Bon, on va faire un truc plus facile. Bonjour, Hamster. Ah oui, Hamster, il est là et il est parti. Do you know Polnareff? He's a French singer. J'arrive plus à copier. Ah. I can't copy. Putain, j'arrive plus à copier les adresses internet là sur ce Reaper là. Copier. C'est bizarre ça.